À découvrir cet automne au Palais Montcalm Maison de la Musique, le virtuose de la contrebasse Petros Klampanis le 18 octobre, la brillante chanteuse jazz Elizabeth Shepherd le 26 octobre, et encore du jazz avec la talentueuse chanteuse canadienne Holly Cole le 3 novembre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. Ce soir à l'aérospatiale, Printemps et autres scènes de Karine Locatelli, James Bond Megamix à la bande vidéo et Les automatistes en trois temps à la galerie Michel Guimond. Vous écoutez l'Aérospatial, le magazine radiophonique consacré aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Bonjour à vous, chères auditrices, chers auditeurs, pour cette première émission de l'automne qui est arrivée la fin de semaine dernière, avec les températures fraîches et changeantes qui viennent avec. Je vous parle d'automne, mais avec l'exposition de notre invité d'aujourd'hui, c'est de printemps dont il est question. C'est l'artiste Karine Locatelli qui va nous parler de son exposition intitulée « Printemps et autres scènes » qui est présentée à Espace Parenthèse. Donc, on va en apprendre un peu plus en entrevue, qu'est-ce qui se passe derrière ce titre-là. Et les deux chroniqueuses d'aujourd'hui sont deux Myriam. Donc, en effet, il y a Myriam Dufour, d'abord, qui va faire sa toute première collaboration à l'émission pour nous parler de l'installation vidéo James Bond Megamix de Holly Sorensen, qui est présentée actuellement à la bande vidéo, donc une installation vidéo d'envergure. Et ensuite, en deuxième partie d'émission, Myriam Leland, qui va venir nous parler de l'exposition Les automatistes en trois temps, qui est présentée depuis dimanche dernier à la galerie Michel Guimond, qui vient, et puis, donc, elle est allée à la rencontre de presse ce lundi. Je crois qu'elle a fait de belles rencontres. J'ai bien hâte de l'entendre dès 18h de l'autre côté de la pause publicitaire. Mais pour l'instant, on va en faire une découverte musicale proposée par Simon Roy cette semaine, donc qui nous présente Closed Eyes, un projet de musique expérimentale, de la musique abstraite. Donc, un projet musical qui nous vient de Russie, à écouter les yeux fermés, ce que je ne recommande pas aux personnes qui sont au volant en ce moment. Par contre, alors on y va avec le premier titre, The Tribe. Thank you. Bonsoir, Karine Locatelli. Bonsoir. Donc, j'étais invitée en entrevue à l'aérospatiale pour parler de ton exposition « Printemps et autres scènes » qui est présentée à Espace Parenthèse. Donc, c'est une exposition où tu assembles des œuvres de dessin que tu as faites sur toile avec des photographies de performance. Oui, c'est ça. C'est des collaborations que tu as faites avec différents artistes de différentes disciplines. Est-ce que tu peux nous parler d'où t'es venue cette idée de travailler en collaboration entre ton travail de dessin et le travail d'artiste d'autres disciplines? Bien, à la base, les collaborations, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Surtout des collaborations qui nous amènent plus loin, qui nous amènent dans des zones où on ne serait pas allé tout seul. Puis surtout avec des artistes comme ça, issus du théâtre, de la littérature, de la performance ou encore des arts visuels, ça m'a vraiment permis de me tourner vers des zones où j'aurais pas été à l'aise, comme la performance, par exemple, de faire des tableaux vivants avec elle, avec ces artistes-là. Puis, ça, j'ai vraiment aimé travailler différents médiums avec elle, puis de pousser plus loin mon dessin. Oui, parce que là je te pose des questions d'emblée ici, mais donc pour expliquer un peu le type de travail qui est exposé, le type de travail que tu fais, c'est que ce sont des dessins à l'encre de Chine sur du canevas brut, là, du canevas, donc de la toile qui n'est pas montée sur un cadre. Ces toiles-là sont exposé de différentes manières, différentes dispositions où on voit beaucoup, il y a quelque chose de sculptural dans ces mises en espace-là. Et ça, c'est quelque chose que tu travaillais avant de présenter ce projet de collaboration-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la façon dont tu manipules les toiles pour les exposer? Dans le fond, je pars avec l'idée de pousser plus loin le dessin et le paysage. Oui. De pas prendre pour acquis que le dessin est quelque chose de pictural, aussi comme la photo. Donc, de le travailler comme un textile, puis de mettre de l'avant sa matérialité. Donc, le fait qu'on peut vraiment le manipuler, le fait qu'on peut vraiment l'installer de manière installative, sculpturale dans l'espace. Donc, parfois, c'est des dessins posés sur socle, qui tombent au sol, qui se déroulent, ou un dessin à moitié au mur, puis qui se déroule jusqu'au sol, ou encore un dessin qui est simplement présenté au sol, ou encore simplement au mur. Donc, c'est ça qui côtoie de la photo. La photo argentique ou numérique imprimée sur lin, donc qui est présentée tout autant installative, là, donc avec la matérialité mise de l'avant. Là, oui, un rapport à la matérialité, je te le jure, j'ai pas touché, là, mais j'avais très, très envie de toucher aux œuvres. Donc, il y a un rapport à la matérialité. Donc, on sent vraiment quelque chose de très tactile qui embarque dans cette mise en espace-là, dans cette disposition-là des œuvres en toile de canevas. Et puis, si on revient à ces performances, parce que c'est des performances, oui, en quelque sorte, que tu as photographiées avec ces artistes que tu as invités à... tu les as invités à manipuler l'un ou l'autre de tes dessins, c'est ça? Oui, c'est ça. Et à quel point tu les dirigeais, à quel point ils étaient libres de tous les choix, donc le choix du dessin, le choix du lieu, par exemple? Je choisissais le lieu, puis le dessin, mais je pouvais quand même leur donner beaucoup de liberté d'action. Parfois, on pouvait se déplacer dans le lieu, puis s'ils me posaient des questions, je pouvais donner mon avis, mais je leur donnais beaucoup de liberté, puis c'est cette liberté-là qui m'intéressait, là, de vraiment amener mon travail ailleurs. Et puis, toutes les collaboratrices sont des femmes. J'imagine que c'est pas un hasard. Pourquoi cette volonté de vouloir travailler avec des femmes uniquement dans ce projet-là? Mais tout d'abord, c'est tous des artistes dont apprécié énormément la pratique, qui ont vraiment une belle sensibilité. Puis deuxièmement, je voulais mettre de l'avant des œuvres qui présentent de manière vraiment comme sensible et poétique le corps de la femme, contrairement, je trouve, à ce qu'on peut voir beaucoup dans la publicité ou dans les médias. Donc c'était mon petit côté féminin que je mettais de l'avant à travers ce projet-là. Et dans ton travail, on sent également un attachement particulier au territoire québécois. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu abordes le territoire dans ta démarche? Mais c'est beaucoup une question d'expérience. Pour moi, le Québec, c'est un peu... je pense que ça va être le travail d'une vie là, comme sujet. Oui, oui, oui, tout à fait. Nord au sud. Puis comme un territoire que je veux... que je vais apprendre à connaître et faire connaître. Je trouve qu'il est très méconnu. Puis ça fait quelques années que j'ai fait ce constat-là qu'au fond, on connaît pas notre province. Puis moi-même, je la connais pas assez. Je trouve on connaît que le sud. Puis ça fait comme une compréhension vraiment limitée de notre territoire. Donc pour moi, à travers l'expérience, le voyage, le déplacement, le fait de travailler dans le nord et tout, ça permet de mieux comprendre ce territoire-là. Puis aussi de le valoriser à travers les arts visuels. Donc, en me déplaçant sur ces territoires-là, vraiment pour dans une quête de compréhension puis de création. Donc, en ayant un rapport que je trouve sain avec le territoire, puis c'est un rapport que je peux trouver un peu opposé à celui de tant de compagnies, mettons, d'exploitation qui... même le gouvernement, qui ont parfois un rapport au territoire qui est vraiment financier, un rapport à l'exploitation des ressources et non pour le territoire lui-même. Et c'est très, très intéressant. Donc, c'est vraiment dans ta démarche, tu vas faire l'expérience de ces lieux-là qui, pour nous, gens du sud du Québec, paraissent éloignés, dont on n'a pas fait l'expérience. Et de cette expérience-là, tu crées des œuvres en dessin sur toile. Oui, exactement. Et quel lieu tu as visité, par exemple, dans tes déplacements pour créer tes œuvres? C'est beaucoup la Côte-Nord, l'île d'Anticosti, la Basse-Côte-Nord. Je dirais que Charlevoix, ça a été une première étape là, d'éloignement des grands centres urbains. Puis le Saguenay également. Donc, tu parles de Charlevoix, tu habites Baie-Saint-Paul, c'est pour ça qu'on se parle par téléphone. Oui. Comment le fait d'habiter à Baie-Saint-Paul alimente ta pratique? Bien, autant pour la temporalité qui est différente, je trouve, dans une plus petite ville comme ça, je trouve que c'est vraiment propice à la création. On vit plus avec les saisons. Mettons, l'été, je suis vraiment plus en déplacement. Je fais beaucoup de cueillettes, beaucoup de croquis. Puis l'hiver, c'est là que je peux m'encabaner puis faire mes grands formats. Donc ça, c'est un peu le cycle de la région à la base, donc que je reproduis dans ma création. Puis l'accès à la nature, surtout. Je trouve que la nature est très démocratique à Baie-Saint-Paul. C'est pas une question de richesse qu'on peut y avoir accès vraiment, puis elle est très accessible physiquement, là, juste à vélo ou à pied. Là. Donc, la proximité avec la nature et ce rythme-là qui change complètement des centres urbains. Donc, c'est très, très beau ton travail à voir à Espace Parenthèse, donc au cégep de Sainte-Foy. Merci beaucoup, Karine Locatelli. Oui, c'est présenté jusqu'à quand? 5 octobre. Jusqu'au 5 octobre. Donc, dépêchez-vous. Il reste plus grand temps, chers auditeurs, chères auditrices. Et nous, on se quitte pour une pause audio. Merci beaucoup, Catherine Locatelli. Merci beaucoup. Au plaisir. Je t'ai appelée Catherine. Karine, pardon. Oui. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. bien aller. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'ai en ce moment deux Myriam avec moi en studio. Donc, Myriam Dufour, bonsoir. Bonsoir. Myriam Leland, bonsoir. Bonsoir. Donc, Myriam Leland disait justement, Myriam Dufour, ça va bien aller, parce que Myriam Dufour, c'est ta première chronique. Oui, exactement. Puis, ça va bien, tu te sens bien? Je me sens bien, oui, oui. Je suis en contrôle. Et puis, je vois que tu as beaucoup de choses à nous dire. Donc, tu es allée voir l'exposition James Bond Megamix de Olli Sorensen à la bande vidéo. Une installation vidéo quand même assez intense. Oui, vraiment. Moi, c'est le son, là, dès que je suis rentrée dans l'exposition, c'est fou, ça nous rentre dedans. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette démarche à Olli Sorensen? Oui, en fait, l'œuvre James Bond Megamix, c'est une œuvre qui est en continuité avec la série No More Heroes, qui est une œuvre qu'il avait faite quelques années auparavant. Puis en fait, ce qu'il fait souvent, c'est qu'il manipule des œuvres qui ont déjà été faites. Donc, dans ce cas-ci, il a pris les 24 films de James Bond, puis il les projette simultanément dans une petite salle très noire, comme c'est un peu déstabilisant quand on rentre la première fois. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il efface les scènes dans lesquelles on trouve ou on peut entendre ou voir le personnage principal, qui est bien sûr James Bond. Puis, les scènes qui dévoilent James Bond ont simplement été remplacées par des écrans noirs. Comme tu disais, quand on rentre au début, on est un peu déstabilisé. C'est un peu une ambiance... Il y a les 24 films de James Bond qui jouent en même temps avec les trames sonores en même temps. C'est très, très, très... C'est des films d'action, là, donc c'est très, très bruyant. C'est vraiment bruyant. C'est un peu agressant. Au début, on est déstabilisé par toute la superposition de sons puis des images qui ont... Puis aussi, puisqu'on enlève le personnage principal, il n'y a plus vraiment d'histoire. On voit juste plusieurs actions. Donc, en fait, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de cette exposition, c'est que, comme on disait, quand on rentre et on regarde l'ensemble, c'est très cacophonique, c'est un peu chaotique. Puis, en faisant cette profusion, en mettant une profusion d'images comme ça... L'artiste renvoie à sa fascination qu'il a sur le phénomène de surabondance d'informations qu'on retrouve en ligne, sur Internet, sur la surcharge d'informations qu'on peut retrouver vraiment facilement. Puis, il matérialise ce phénomène-là qui est très actuel dans notre société en mettant plusieurs images comme ça. Puis, c'est très concret parce que quand on arrive dans l'exposition, on est un peu, on se sent un peu agressé par toute cette surcharge d'images, pardon. Puis, on peut également faire le lien avec la critique que porte l'artiste sur les règles de plus en plus strictes concernant les droits d'auteur. Parce qu'en fait, Olli Sorensen, c'est un artiste qui est adepte de l'art du remix et de la reproduction. Ben oui, c'est oui, ça. Les règles de droits d'auteur, ça coupe un peu sa production d'élan artistique. Il est un peu freiné par ça. Puis, je pense que ce qu'il voulait montrer, c'est que les écrans noirs qu'on voit souvent, on peut voir ça comme une espèce de métaphore pour dire quand l'écran coupe, c'est un peu comme quand moi je travaille, puis je suis coupée par ces règles-là. Oui, donc une métaphore de la censure. C'est ça, exactement. Oui, vraiment. Puis aussi, quand on porte l'attention sur un écran à la fois, on se rend compte que en supprimant le personnage principal, on porte beaucoup plus attention au personnage secondaire. Oui, ça fait partie des enjeux. Oui, c'est ça, exactement. Que l'artiste travaille dans son œuvre. Là. C'est ça, puis c'est vraiment intéressant parce que les personnages secondaires, on l'oublie un peu, mais ils manifestent une très grande diversité de genre, d'âge et d'ethnicité. Bien, on voit des femmes, on voit des personnes racisées. Donc, en enlevant on se le cachera pas, le héros dans les films hollywoodiens, c'est souvent un homme blanc. C'est ça, exactement. Et donc, en enlevant l'homme blanc, on se rend compte qu'il y a toute une diversité qui sont les rôles de soutien, là. Oui, exactement. C'est souvent, comme tu dis, un homme blanc européen ou américain, un jeune homme qui correspond au standard de beauté, au standard de force. Puis on considère ce personnage-là comme un héros. Puis souvent, sa présence est un peu... extravagante, on oublie les personnages secondaires, puis parfois on peut même oublier les lieux, tout l'ensemble du travail cinématographique, parce que justement c'est principalement le personnage comme James Bond qui alimente l'histoire. Oui, tout le fil narratif est complètement brisé. Exactement. On peut pas savoir qu'est-ce qui se passe finalement, puisque le personnage principal sur lequel repose l'histoire, il est complètement effacé des écrans. Là. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que son œuvre, c'est une manifestation claire de son désir de renversement des préconceptions et des stéréotypes qui sont véhiculés dans le milieu cinématographique américain. Parce qu'en fait, il critique en quelque sorte cette obsession-là qu'on a envers les héros, les personnages principaux, qui correspondent aux exigences sociales. Puis ça l'encourage aussi, cette pression un peu sociale de correspondre à ce personnage principal. Mais oui, c'est sûr que quand on va voir un film, on se projette, on veut ressembler aux héros, à la personne qui est représentée. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une pression qui s'installe. C'est ça. Donc là, quand on assiste à cette exposition-là, ça nous fait voir un autre côté complètement du milieu cinématographique parce qu'on se concentre beaucoup sur les personnages secondaires. Puis comme je disais, on voit beaucoup plus de femmes. Puis ça nous questionne aussi sur le rôle de la femme dans le cinéma parce qu'on voit souvent qu'elle est dans une position d'infériorité face à l'homme. Dans les James Bond. Soumise. Oui, c'est ça, dans exactement. Dans les James Bond, c'est quand même un paradigme, là, mm-hmm. Les Bond Girls, qu'on les appelle. Oui, c'est oui, ça. C'est exact. Ça. Donc, qui deviennent vraiment comme des cibles de séduction. Oui, des objets de séduction même. Exactement. Puis aussi, ce que j'ai trouvé pendant... En fait, la projection dure 60 minutes, exactement. Puis pendant un instant, la majorité des écrans deviennent noirs, sauf un ou deux, je dirais. Puis dans un des écrans, on voit un personnage secondaire qui crie. Et je traduis, il crie « Je suis invisible ». Donc, on voit un peu, c'est un clin d'œil à ce phénomène-là. Tu me suis pas rendue jusque-là. Ouais, c'est ça, je l'ai écouté souvent. Wow. Puis je me suis rendue compte de ça, puis je trouve que c'est un beau clin d'œil. L'artiste a fait des efforts pour qu'en fait, on retrouve cette phrase-là, puis c'est vraiment intéressant à voir. Donc, il veut aller au-delà des questions de droit d'auteur, comme je disais tantôt, mm-hmm. puis il veut souligner tous les stéréotypes narratifs qui sont inhérents au cinéma du grand public, puis surtout souligner la position centrale du héros qui est souvent un homme blanc, puis qu'on est un peu habitué à ce phénomène-là. Donc, je recommande vraiment cette exposition-là. C'est rare qu'on ait l'occasion d'assister à une projection, 24 projections simultanément. Puis c'est une expérience à vivre, je crois. Oui, parce qu'on peut voir le film est disponible en ligne, on peut le voir sur la plateforme Vimeo, mais de le vivre dans la galerie, c'est vraiment une expérience qui est très, très différente. Exactement. Et donc, l'exposition James Bond Megamix de Holly Aronson, et c'est présenté jusqu'au 14 octobre à la bande vidéo. Ben, merci beaucoup, Myriam Dufour, pour cette super première chronique. Merci à toi. Et nous, on passe en pub, pause publicitaire et on revient au retour de la pause avec Myriam Leland. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec les trios Elias, Copland et The Daddy. Soyez les témoins privilégiés de la chimie qui opère entre le guitariste Rody Elias, le claviériste Mark Copland et le bassiste Adrian The Daddy dans l'intimité de la salle d'Iouville. Le 5 octobre, vivez la musique à son meilleur avec le trio Elias, Copland et The Daddy. Détails au palaismontcalm.ca. Amateurs de cidre, cet événement est pour vous. Le 17 octobre prochain, la Korrigan reçoit Émile Robert de la cidrerie Somnambule. Au menu, 6 cidres artisanaux à déguster tout en apprenant sur le plus qu'intéressant univers de la pomme. De très beaux produits du Québec et d'ailleurs à vous faire découvrir. Mercredi, le 17 octobre, 18h, 380 rue Dorchester, c'est un rendez-vous. Un atelier, 6 cidres, 25$. Billets en vente au corrigan.ca. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Alors, de retour à CKRL sur à l'aérospatiale, le magazine consacré aux arts visuels dans la ville de Québec. Jean-Tienne Lafrance au micro et Myriam Leland. Tu es allé voir l'exposition, tu es allé voir l'exposition Les automatistes en trois temps et tu es même allé à l'événement de presse lundi. Et je pense que tu as fait des belles rencontres, des belles découvertes et que tu as vraiment le goût de nous en parler. Oui, je sautille un petit peu sur ma chaise, là. En bon français, j'ai capoté, vraiment. Mais c'est une exposition qui est vraiment magnifique. C'est une exposition qui est majeure, là, on oui, s'entend. Oui, c'est ça. Ben, puis en fait, je commencerai ma chronique par une confession. Je suis vraiment pas une fan de l'art abstrait. Je suis pas non plus une connaisseuse de l'art abstrait, encore moins des automatistes. Mais c'est intéressant ça parce que c'est qu'en faisant l'expérience des œuvres qu'on tombe en amour avec les œuvres et puis qu'on apprend à connaître les œuvres. Donc c'est bien beau là voir des œuvres sur notre fil Facebook, sur notre fil Instagram, faire des recherches sur Google, la plateforme Google pour aller voir de l'art en tout cas. Mais c'est vraiment en allant voir des expositions qu'on a un véritable contact puis une histoire d'amour avec les œuvres d'art. Donc lâchez la radio, allez voir des expos. C'est exactement ce vers quoi je m'en allais. En fait, en voyant cette exposition-là, les œuvres une à une, je suis tombée en amour avec les artistes et ces œuvres-là. Ça me fait découvrir un pan majeur de l'histoire du Québec, autant l'histoire de l'art que l'histoire tout court. Mais oui, c'est sûr que les automatistes, ça vient avec le refus global, ça vient avec ce moment-là très, très foisonnant au Québec qui est fascinant. Là. Tout à fait, c'est ça. Ben, en fait, pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ont déjà entendu le mot automatiste, refus global, mais que c'est un peu flou pour eux, là, en gros, fais-nous une introduction, Myriam. C'est ça. Ben oui, je vais me proclamer experte pour le prochain 10 minutes. Donc, en fait, les automatistes, c'est un mouvement fondé en 1942 qui partage les bases du surréalisme, mais qui préconise une approche un peu plus intuitive, expérimentale et non figurative. Donc, on l'a deviné, l'abstraction. Puis, le mouvement est constitué majoritairement des signataires, tu l'as dit, du refus global, qui a été signée en 1948, donc ça fait 70 ans cette année. Mais oui, je pense que cette exposition-là se veut également un moment d'anniversaire pour fêter la signature du refus global. Exactement, puis je vais en faire mention en fin de chronique. C'est pas le seul événement à Québec qui se passe dans les prochains mois à faire mention du refus global, à tourner un peu autour de cette thématique-là. On saute à l'exposition. En gros, c'est une trentaine d'œuvres, pour la plupart de petite taille, mais selon moi, c'est le fait que ce sont des œuvres de petite taille dans un plutôt petit espace, parce que la galerie Michel Guimond, c'est coquet, c'est petit, mais c'est une très belle galerie. Oui. C'est le fait que ces œuvres-là soient de petite taille qui permet en fait de créer une atmosphère plus intime et justement, comme tu le mentionnais, d'entrer en relation avec ces œuvres-là, puis de créer ce lien-là qui nous rapproche un peu puis qui nous fait un peu sauter nos préjugés sur l'art abstrait puis nous fait apprécier l'œuvre vraiment pour ce que c'est. Je pense à une œuvre en particulier. Ton coup de cœur. Ben, oh, c'est dur à dire ça. J'ai eu un gros coup de cœur pour l'œuvre en général, là, avec un grand O de Marcel Ferron. Ah oui, moi aussi. Je l'aimais déjà avant de rentrer dans la galerie. Je suis tombée en amour avec la personne et sa famille et son œuvre et tout. Oui, parce qu'il faut dire qu'à l'événement de presse, il y avait des descendants, oui, des signataires là, qui étaient là. Exactement. J'arrive là-dessus. Mais pour revenir sur le fait que les œuvres sont un peu plus petites, mais que c'est ce qui nous permet d'entrer en relation avec elles. Je pense à une œuvre de Fernand Leduc, en fait, qui s'intitule « Le vide du jour », qui, en apparence, a l'air, en fait, d'un carré uni bleu acier. On se dit, bon, c'est un carré de couleur, mais quand on s'approche, qu'on voit la texture... C'est vraiment comme le ciel au lever du jour. On voit des roses, on voit des blancs. Puis c'est drôle parce que j'étais dans le salon avant d'entrer en studio, puis je regardais le ciel. C'est plutôt gris aujourd'hui. Ça me faisait penser à cette œuvre-là, justement. Ça, c'est beau quand l'art nous ramène à la vie, oui, que la vie nous ramène à l'art. C'est vraiment magnifique, puis franchement, très touchant. Puis, en fait, ce qui est intéressant de cette exposition-là aussi, parce que les automatismes, les automatistes, comme je disais, c'est une grande partie de l'art du Québec, de l'histoire du Québec, mais on est habitué de voir des expositions collectives avec des œuvres de la période 40-50, parce que c'est là que le refus global a été signé, c'est ce sur quoi on se concentre, mais c'est rare qu'on va voir l'évolution des artistes. Oui, parce qu'il y a des œuvres récentes, le lever du jour, ça date de 99. Exactement. Donc, l'exposition tient son titre, Les automatistes en trois temps, des trois périodes de la carrière de chacun de ces artistes-là qui sont explorés à travers les différentes œuvres qui sont dans l'exposition. Donc, j'ai pas les périodes précises avec moi, mais on a justement la période qui est plus automatiste, puis on a deux autres périodes par la suite. Je les ai ici, c'est le catalogue en main. Donc, on a entre 46 et 54, ensuite entre 55 et 80, et la dernière de 1980 à 2015. Exactement. Puis, par exemple, on a Françoise Sullivan, qui fait partie de l'exposition, qui est encore vivante et bien active dans le milieu de l'art. Donc, c'est dommage de voir dans des expositions seulement sa période 40 à 50, alors qu'elle est tellement prolifique aujourd'hui, tellement une évolution intéressante que, ben, une exposition comme ça permet justement de montrer cette évolution-là pour les sept artistes qui sont montrés dans l'exposition. Donc, je le disais tout à l'heure, je le répète, c'est une exposition majeure, cette exposition-là. Tout à fait. On a, comme tu le mentionnais, il y a un catalogue aussi de cette exposition-là. La préface est par Ray Ellenwood, qui est l'auteur d'Égrégore, une histoire du mouvement automatiste de Montréal. Donc, un expert en ce domaine. Puis, il y a deux pages environ pour chacun des artistes et de magnifiques reproductions des œuvres qui sont présentes dans l'exposition. Oui, merci, Yvan Binette. Oui. Puis tantôt, tu me demandais mes coups de cœur. Ben oui, c'est ça qu'on veut savoir. Oui, c'est ça. Donc là, j'ai mentionné l'œuvre de Fernand Leduc. On a parlé un petit peu de Marcel Ferron et des gens de sa famille présents lors de la rencontre. J'ai eu l'énorme plaisir de rencontrer Diane Hamelin, en fait, qui est une des filles de Marcel Ferron. Et c'est une experte dans la carrière de sa mère. Elle la connaît sur le bout des doigts. Je l'écoutais, j'avais l'air d'une petite fille au cinéma. C'était tellement intéressant de l'entendre parler de la carrière de sa mère. Puis sincèrement, elle me donnait envie de bâtir une exposition sur Marcel Ferron. Pourquoi on n'a pas de rétrospective de Marcel Ferron encore? Mais là, il y a quelque chose au musée de Baie-Saint-Paul, je pense, l'été dernier. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Mais on en veut plus. C'est ça. Ben, en fait, on a abordé le sujet. Là, je me lance dans un éditorial sur Marcel Ferron. Le fait qu'au Musée des Beaux-Arts du Québec, Musée national des Beaux-Arts du Québec, il y a les quatre grandes figures de l'art moderne québécois, incluant Riopelle, Leduc, Pellan, Lemieux. Mais où est cette chère Marcel Ferron? On la veut dans la collection permanente. Tous des hommes. Tous des hommes blancs. On en parlait avec Myriam Dufour par rapport à James Bond. Ce sont nos James Bond québécois de l'art moderne. Donc, on aimerait ça avoir une Bond girl avec de la gentilité. Oui, plus que ça, plus que ça. Non, mais le travail de Marcel Ferron, il est magnifique. Tout son travail de la transparence, du mélange de la peinture sur la toile, les formes qu'elle réussit à obtenir avec la manipulation de la peinture sur la toile, c'est écœurant. Tout à fait. Écœurant, c'est le mot. C'est vraiment, j'ai eu des frissons en voyant ses œuvres. Puis comme je disais en début de chronique, je suis pas tant une fan d'art abstrait, mais je les ai vues. Puis, maintenant, je me suis lancée dans des lectures. Là, je mange de l'automatisme pour déjeuner, lunch, souper. Puis c'est ça, en fait, Diane Hamelin, qui est, comme je disais, la fille de Marcel Ferron, m'a parlé beaucoup de l'évolution de la carrière de sa mère, parce qu'on sait peu, en fait. Marcel Ferron, elle était très impliquée dans la société. Elle donnait beaucoup de son temps pour diverses causes. Puis, on la connaît un peu pour ses verrières, la fameuse verrière de la station Champ-de-Mars à Montréal, station de métro. Magnifique. Le travail de la lumière dans son œuvre, c'est exactement magnifique. Puis, on connaît justement sa quête de lumière, sa quête de transparence, de mouvement. Mais En fait, c'était une fervente activiste défendresse de l'art public, de mettre simplement de la couleur dans des édifices publics plutôt gris et carrés, puis de donner accès au public plus général qui n'a pas tendance à aller dans les musées. Personnellement, c'est quelque chose qui me touche énormément. J'ai pas de domaine d'expertise en art, mais la démocratisation de l'art, je pense vraiment que tout le monde peut apprécier une œuvre d'art, peu importe le style, l'époque, l'éducation. Il faut juste leur donner la chance. Et c'est une des raisons pour lesquelles on fait de la radio. Exactement. Puis que je vous vends Marcel Ferron en ce moment. Donc, à part Diane Hamelin, pour qui j'ai eu un gros coup de cœur, j'ai rencontré aussi Madame Ninon Gauthier, qui est une fameuse muséologue, historienne de l'art, critique d'art, mais aussi la veuve de Marcel Barbeau. Ah. C'est pourquoi elle était présente à cette exposition-là. J'ai même eu droit au récit de sa rencontre avec M. Barbeau. Elle avait les petites joues rouges en me racontant ça. C'était très mignon. Je me suis sentie très privilégiée d'entendre cette histoire-là. Wow. Puis, c'était vraiment intéressant aussi parce que, comme je disais, c'est une muséologue, une historienne de l'art qui en a dedans. Elle connaît son sujet, autant pour ce qui est de Marcel Barbeau, la carrière de son mari, mais de l'histoire de l'art en général. Elle a mentionné la petite taille des œuvres, puis elle disait « elles sont petites ». Par contre, ce sont des œuvres tellement fortes, tellement importantes pour la carrière de chacun de ces artistes-là, qu'elles ont tellement été bien choisies qu'on aurait pu avoir une énorme pièce, ça n'aurait pas remplacé ces petites pièces-là, justement. Elle était très satisfaite de la tournure de cette exposition-là. Puis, d'ailleurs, je mentionne comme ça, il va y avoir une rétrospective, justement, sur Marcel Barbeau au Musée national des beaux-arts du Québec. Oui, le vernissage, c'est le 10 octobre. Oui, c'est ça, 10 octobre, la journée pour les membres. Et dès le 11 octobre, ça va être disponible pour tout le monde, justement. En gros, pour l'exposition, je pense que on parlait tantôt de Madame Ferron qui voulait que l'art soit accessible à un plus grand public. Ben avec tout ce que je t'ai dit, Gentiane, je pense que tu comprends que j'extrapole un peu là, mais Madame Ferron serait très satisfaite de cette exposition là parce que justement, ça amène l'art abstrait, l'automatisme dans la vie des gens avec une atmosphère un peu plus intime puis avec une connexion un peu plus personnelle à ces œuvres-là. Donc, c'est ça, c'est pas des œuvres de très, très grand format où on se sent comme subjugué par l'œuvre. Il y a vraiment un contact intime c'est avec ça, ces œuvres-là. C'est beaucoup moins intimidant que ce à quoi on est habitué. Puis souvent, les gens vont s'arrêter aux portes des musées parce que justement, c'est une institution qui est intimidante. On n'ose pas entrer. On se dit, je connais pas ça, donc je devrais pas y aller. Mais là, c'est justement l'opportunité de tranquillement s'immiscer dans le monde de l'art, d'aller dans une galerie un peu plus petite. Et le personnel chez Michel Guimond est tellement sympathique, on ne peut pas passer à côté. Et le chien? Oui. En effet, exactement. Puis, ce qui m'a marqué aussi en rencontrant ces personnes-là, c'est de voir la ferveur, la volonté insatiable de changer le monde qui a marqué en fait les automatistes, qui a marqué le refus global, mais qui a aussi marqué tous les gens qui ont entouré ces artistes-là. C'était contagieux. Là. C'était contagieux. En parlant à tout le monde, j'ai parlé aussi à Iseu, la fille de M. Riopel, Diane Hamelin que j'ai mentionné, Ninon Gauthier. Elles avaient toute cette ferveur-là. Je trouve pas d'autres mots. C'est cette étincelle dans les yeux en parlant du travail des gens qui les entouraient. C'était assez impressionnant. Ça me donnait encore plus la piqûre. Wow! Oui! Donc, à aller voir à la galerie Michel Guimond, les automatistes en trois temps, et c'est présenté jusqu'à quand? C'est jusqu'au 23 octobre. Si tu me permets une petite dernière parenthèse, Gentiane, si, comme moi, cette exposition a fait naître en vous une passion nouvelle pour l'automatisme, voici quelques suggestions, en fait, pour étancher votre soif. Ce que tu manges au déjeuner? Oui, c'est ça, exactement. Donc, j'ai mentionné Marcel Barbeau en mouvement, qui est l'exposition rétrospective qui aura lieu au Musée national des beaux-arts du Québec dès le 11 octobre. On a aussi... J'ai hâte que ça arrive, une projection gratuite du film « Les enfants de refus global » qui va être projeté à la Maison de la littérature le 23 octobre, donc à la date de fermeture de cette exposition-là, qui peut justement vous faire voir à quel point ces familles-là ont été marquées par oui. le refus global. Oui, ce film-là est très, très intéressant parce que le refus global, c'était le refus de tout, dont le refus de la structure familiale, exact. De ces obligations-là. Donc, les enfants du refus global, ils ont eu à vivre avec des grands deuils, là, d'avoir des parents qui n'étaient pas présents, par exemple. Exact. Je pense qu'ils ont découvert cette nouvelle structure sociale-là au même moment que leurs parents. Ils ont bâti ça ensemble, je crois, ce qui est beaucoup demandé à un enfant, mais ce qui donne un résultat tellement intéressant, ce qu'on peut voir dans ce film-là, justement. Puis, d'autres suggestions, des livres. Je me suis mis à lire « Le droit d'être rebelle », qui contient la correspondance de Marcel Ferron avec ses frères et sœurs. Ouais, je ne l'ai pas lu, c'est dans ma liste à cocher. Je te le prêterai. C'est merveilleux. On a l'impression de lui parler. Puis justement, je taquinais en disant que je déjeunais, mais c'est vraiment ça. Je le lis pendant que je mange. C'est génial. J'ai l'impression d'être dans cette famille-là depuis toujours pendant que je lis ce livre-là. Donc, un peu comme des œuvres de petit format, on rentre vraiment dans l'intimité. Exactement, c'est exactement ça. Puis finalement, il y a La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est la petite fille de Marcel Barbeau, que je n'ai pas encore lu, mais c'est le prochain sur ma liste, il est sur ma pile. Oui, moi j'ai des frissons garantis, là. Je vous le dis, à lire et à relire, La femme qui fuit, c'est une plume extraordinaire et une histoire vraiment. C'est bouleversant. J'ai encore plus le goût de le lire maintenant. Donc, on rappelle les dates? Oui, donc jusqu'au 23 octobre à la Galerie Michel Guimond, Les automatistes en trois temps. Marcel Barbeau en mouvement au Musée national des beaux-arts du Québec dès le 11 octobre. Merci beaucoup, Myriam Leland, pour cette chronique bien sentie. Ben merci à toi, gentille Anne. Et nous, on part en pause audio avec encore une pièce de Close Eyes. Alors, de retour à l'aérospatiale, j'ai décidé de prendre un petit moment en fin d'émission pour vous parler un peu des activités en art visuel qui sont présentées aux Journées de la culture 2018. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Puis des fois, on est un peu perdu. Donc, j'ai fait une petite sélection là, de trucs très, très intéressants dans le milieu des arts visuels. Je vous les lance en vrac. Comme ça, il y a une exposition présentée par les étudiants à la maîtrise en art visuel de l'Université Laval. Plein de culture. Donc, c'est au roulement B, les ateliers des étudiants 336 rue Sainte-Hélène. Donc, le 28, 29 et 30 septembre, il va y avoir un vernissage le 28 septembre à partir de 17h. C'est également des portes ouvertes à la Maison des métiers d'art de Québec, samedi toute la journée. Et là, il y a beaucoup de choses à faire à la Maison des métiers d'art. Il y a d'abord des visites guidées des ateliers. Il y a également l'atelier mosaïque des mots dans la terre, donc un atelier de céramique où les participants sont invités à s'exprimer sur l'argile avec des mots, parce qu'il faut le dire, les Journées de la culture cette année, la thématique, c'est les mots. Et donc, il va y avoir également un atelier de string art et de sculpture, les mots qui ne tiennent qu'à un fil. Donc, on s'inspire des fils tendus au centre duquel on va placer des mots qui ont été choisis. Il y a également l'atelier fil à fil, lettre à lettre, donc un atelier de broderie. Donc, en s'inspirant de mots pigés au hasard, les participants sont invités à créer des différentes composition de broderie. Et un quatrième atelier, toujours à la Maison des métiers d'art de Québec pour les Journées de la culture samedi, il faut modeler ses mots. Un atelier de sculpture et de counseling. Donc, on y va avec nos réflexions personnelles et on sculpte l'argile en lien avec ces réflexions-là. Du côté de la Chambre blanche, il va y avoir les laboratoires qui vont être ouverts au public. Donc, visite guidée et démonstration technique des machines à commande numérique. Donc, la Chambre blanche qui est spécialisée dans tout plein de machines fantastiques, comme le dit le titre de leur activité. Donc, c'est samedi tout l'après-midi. Donc, on peut aller visiter la Chambre blanche et se faire montrer comment marchent toutes leurs machines. À Méduse, il y a Production Recto Verso qui vont faire une porte ouverte pour la résidence de Le Cru, collectif d'artistes du mouvement formé des artistes Julia Maude et Cloutier et Amélie Gagnon. Donc, ça va être au studio d'essai du côté de Spira. Tester votre instinct de scénariste samedi et dimanche. Et avec Engram, on sort de Méduse. C'est une activité pour le 10e anniversaire des Regards fous, qui est un projet qui a été fait par Folliculture, donc sur les bouches d'égout, sur la rue Saint-Vallier. Donc, il va y avoir, donc on peut apporter des vêtements, des morceaux de vêtements, et on va pouvoir faire imprimer les œuvres d'art qui ont été produites par les artistes il y a 10 ans sur les tissus de notre choix qu'on apporte. Et il y a également la carriole, un atelier de sérigraphie mobile. On va vous en reparler dans une prochaine édition de cette fameuse carriole. Le Centre de conservation de Québec, donc un atelier ouvert. On est invité à venir découvrir les différentes techniques de restauration et rencontrer les restaurateurs et restauratrices présents. Donc, c'est dimanche après-midi à partir de 13h30. Donc, on prend une petite pause audio avec Laura Lefebvre et je vous reviens avec l'agenda de la semaine. J'ai voulu m'éloigner un peu de moi. J'ai maquillé tous mes traits. J'ai maquillé tous mes traits. J'ai déformé mon portrait. J'ai voulu être une autre. Faire de mon corps la poussière. Faire de mon corps de la poussière. Faire de ma peau un cimetière. Pour y enterrer la balle. J'ai voulu m'éloigner un peu de moi. Donc, c'était un extrait de La Bête de Laurent Lefebvre, donc tiré de son album L'Amour mécanique qui est paru en avril de cette année. Si ça vous intéresse, la chanteuse va donner un concert samedi prochain à Sainte-Marie dans le cadre des Journées de la culture. Donc, Laurent Lefebvre qui est une chanteuse de Québec. Donc, on revient avec l'agenda de la semaine. Donc, outre les Journées de la culture, il y a aussi plusieurs événements dans l'univers des arts visuels à Québec. Cette semaine, jeudi, débute au Musée national des Beaux-Arts une installation intitulée Solar Equation, donc de l'artiste Raphaël Lozano-Emero, qui donc présente une espèce de reconstitution du soleil dans le grand hall. Il paraît que c'est une expérience assez fascinante à vivre. Donc ça va être présenté là, jusqu'à l'année prochaine, mais c'est cette semaine que ça commence. Vendredi, c'est au lieu que ça se passe. Il va y avoir le lancement d'Alal, un livre de dessins de Geneviève Roy. Il va y avoir le lancement également de la revue Inter numéro 130, la revue qui est sur le thème de l'apocalypse. Et la soirée va se poursuivre avec la conférence de Daniel Roussel, Pensée, Art, Action, Utopie, Vie. Donc, si ces sujets vous intéressent, c'est au lieu vendredi. Et dimanche, à la bibliothèque Gabriel Leroy, il va y avoir l'installation vidéo Le Drapeau des Fous. Donc, cette œuvre, Le Drapeau des Fous, avait été faite par Folliculture, donc 100 drapeaux qui ont été réunis à l'origine dans cette exposition-là. Et là, c'est une installation vidéo qui est faite à partir de ces 100 drapeaux-là qui va être présentée à la bibliothèque Gabriel Leroy. Et du côté de Deschambault, c'est le finissage de l'exposition Sortie du bois, dont on a parlé là, à la première émission de la saison avec la commissaire. Donc, le marionnettiste Pierre Robitaille va procéder à la mise au repos de son immense marionnette qui a passé l'été sous le pont devant le moulin de la Chevrotière. Et lundi prochain va débuter l'exposition Diversité, sensualité du Jardin des délices, espace érotique de Michel Brochu-Gagnon à la salle d'expo du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Donc, je remercie mes chroniqueuses, les deux Myriam. Je remercie mon invitée, Karine Locatelli. Merci à Simon pour la proposition d'ambiance musicale. Et merci à Jacques Gignac, le Pierre Gauvreau de la mise en onde. Restez à l'écoute de l'aérospatiale de TKRL, parce qu'après la pause, c'est pas l'aérospatiale, c'est Pierre Blais et son équipe qui vont discuter cinéma à l'émission Situation Critique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Vous écoutez CKRL 89.1. Vous avez le bassin fracturé puis un poumon perforé, mais vous allez vous en sortir. Docteur, quand ma blonde va être là, pouvez-vous dire que je me suis fait sans skate? Vous ne voudrez pas que ça se sache, parce que tout le monde sait que c'est idiot de texter au volant. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec. Salut, ici Dominique Girard. Dimanche le 30 septembre, j'animerai la course Cité Limoilou en direct. Située en plein cœur de Limoilou sur la 3e avenue, cette course regroupe des épreuves de 1, 5 et 10 km où jeunes et moins jeunes tenteront de se surpasser. Entrevues, résultats, animations et plaisirs seront au menu. C'est donc un rendez-vous le dimanche 30 dès 9h à CKRL. Vous êtes immigrant et vous cherchez une formation qui vous permettra rapidement d'obtenir un emploi en grande demande? Inscrivez-vous au programme Production et gestion de la qualité en industrie offert à la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. En un an seulement, devenez un opérateur capable de travailler dans une usine de fabrication dans le secteur pharmaceutique, des biotechnologies, des cosmétiques ou des produits alimentaires et contribuez au contrôle de la qualité. Cette formation vous intéresse? Plus de détails sur le site web de la formation continue du Cégep de Sainte-Foy. Ensemble, on avance vers de nouveaux projets de vie. La formation continue du Cégep de Sainte-Foy, nous éclairons, vous brillez. Puis vous avez l'air loufoque avec mon pyjama. Nouveauté chez Slam Disc, Slater et Fils. Il faut garder ça simple pour que tout le monde s'en pareil. Il faut que ça soit catchy, rien qui chatouille les oreilles. Découvrez la band de Skorok, Slater et Fils et leur troisième album, Cours d'inconduite. Slater et Fils, disponible partout sur les plateformes en ligne. Amateurs de cidre, cet événement est pour vous. Le 17 octobre prochain, la Corrigan reçoit Émile Robert de la cidrerie Somnambule. Au menu, 6 cidres artisanaux à déguster tout en apprenant sur le plus qu'intéressant univers de la pomme. De très beaux produits du Québec.